Dans le cadre de l'analyse de la notion d'art, nous allons traiter ici un sujet de dissertation portant sur cette notion. L'art commence-t-il là où s'arrête la technique? Il s'agit d'un sujet de bac très classique. Vous constatez que celui-ci articule deux notions du programme de philosophie. On peut remarquer qu'on a ici affaire à deux notions qui renvoient à des réalités concrètes, autrement dit, des pratiques et des objets directement observables dans le monde, par opposition à des notions comme, par exemple, la vérité ou la justice, qui renvoient à des concepts ou des valeurs beaucoup plus abstraites. On peut donc partir, dans ce cas, de pratiques concrètes pour saisir l'enjeu du sujet et ensuite s'élever en généralité et en abstraction. Ainsi, pour penser le rapport entre art et technique, je peux partir de situations très précises. Par exemple, si je prends un violon et que j'essaie de jouer les quatre saisons de Vivaldi, ou bien si je m'installe devant un piano pour jouer du Beethoven, évidemment, ça ne va rien donner du tout. Déjà, je suis incapable de lire la partition, et ensuite, je ne sais absolument pas comment utiliser l'instrument. Cela va juste produire un bruit insupportable pour mes voisins. On voit bien, donc cette situation concrète permet de penser le sens des deux notions et leurs liens. D'un côté, l'art désigne une pratique qui vise à produire quelque chose, donc une œuvre, une performance, dont la fonction est d'être contemplée et plus encore appréciée. Voilà. Si j'essaie de jouer de la musique, j'espère que déjà moi-même je vais l'apprécier, et puis aussi mes spectateurs vont peut-être l'apprécier. Évidemment, ça ne se fait pas n'importe comment, il y a une technicité dans cette activité. Donc là, on retrouve cette notion de technique. Donc la technique, qu'est-ce que c'est? Ça renvoie à des règles, des procédures qu'il faut appliquer pour réussir une action. On peut penser aussi à d'autres domaines, comme le domaine du sport. Si j'apprends à pratiquer un sport, une discipline sportive, eh bien, il y a bien certains gestes que je dois maîtriser si je veux réussir. Ça ne se fait pas au hasard. Et donc, on retrouve l'idée que la technique, c'est quelque chose qui doit être appris. Pour cela, on doit répéter un certain nombre de gestes pour les assimiler. Il y a des règles qui peuvent être enseignées. Donc ça, c'est pour les notions. Maintenant, si on regarde un petit peu la formulation du sujet, l'art commence-t-il là où s'arrête la technique? Eh bien, on voit que cette formulation, elle nous indique qu'il y a un débat. C'est le travail de l'introduction, c'est d'identifier ce débat, c'est la problématisation. Ici, on a le problème, c'est de savoir est-ce que les deux notions s'excluent mutuellement? Autrement dit, est-ce que l'art et la technique n'ont-ils rien en commun? Ou bien est-ce que ces deux notions ont des points communs? Et si oui, lesquels? On peut se représenter les deux concepts comme des ensembles, chaque ensemble incluant ici un certain nombre de pratiques, d'activités humaines. Et il s'agit de savoir si ces deux ensembles, est-ce qu'ils sont complètement indépendants ou eh bien est-ce qu'ils ont un point d'intersection et donc qu'est-ce qu'il y a dans cette intersection. Alors, il s'agira dans les différentes parties de notre dissertation d'examiner les différents liens qu'on peut établir entre l'art et la technique et de les développer voilà, en nous appuyant sur un certain nombre de références et d'exemples pour illustrer notre propos. Nous allons à partir de cela passer à l'introduction, donc qui va être en plusieurs étapes. D'abord, on va se donner un élément de définition des notions, puis on va problématiser, c'est-à-dire mettre en évidence le débat posé par le sujet avant d'en tirer notre plan. Commençons l'introduction. L'art et la technique semblent relever de deux domaines d'activité bien distincts. En effet, on associe l'art à la création libre, faisant appel à la subjectivité d'un auteur et donnant lieu à une œuvre originale. La technique, en revanche, renvoie plutôt à l'élaboration et à la mise en application de méthodes, de procédés, en vue d'obtenir des résultats utiles. On a donc, semble-t-il, deux types de pratiques très différents. Toutefois, l'art et la technique ne sont pas sans rapport. L'artiste, dès lors qu'il doit réaliser ses œuvres, a bien besoin de maîtriser un certain savoir-faire technique. D'ailleurs, l'étymologie des deux notions souligne bien leur lien. Art dérive du nom latin ars artis, désignant les préceptes ou la méthode à suivre pour mener à bien une action. Tandis que techné en grec signifiait aussi bien art que technique. Pendant très longtemps, les deux notions ont été confondues, ce que l'on retrouve toujours dans certaines expressions, telles que celles d'art martial, d'art médical, ou encore les arts et métiers. Ce n'est qu'à la Renaissance que les artistes ont commencé à revendiquer un statut particulier bien distinct de celui des artisans et techniciens. Les arts ne seraient-ils alors qu'une variété particulière de techniques? Les artistes ne sont-ils pas caractérisés par certaines qualités spécifiques qui les distinguent des artisans ou des ingénieurs? En outre, l'objet technique paraît n'avoir que peu de rapport avec l'œuvre d'art proprement dite. La démarche esthétique, qu'elle soit guidée par la recherche du beau ou par l'expression de soi, paraît très éloignée du rapport instrumental que le technicien entretient avec les choses. En ce sens, dans quelle mesure peut-on dire que si l'art doit bien recourir à la technique pour parvenir à ses fins, il ne se confond pas avec elle? Nous traiterons cette problématique en trois parties. L'artiste doit maîtriser un savoir-faire spécifique pour réaliser ses œuvres. Cependant, l'art fait appel à des qualités qui dépassent le seul savoir-faire technique. Enfin, on peut voir dans l'art et la technique deux types de rapports au monde très différents.